Il avait repris une perche. Il guettait une épave, énorme, noire, dont la masse nageait doucement vers la maison. C'était une large toiture de hangar, faite de planches solides, que les eaux avaient arrachées tout entière et qui flottait, pareil à un radeau. Quand cette toiture fut à sa portée, il l'arrêta avec sa perche. Et, comme il se sentait emporté, il nous criait de l'aider. Nous l'avions saisi par la taille, nous le tenions ferme. Puis, dès que l'épave entra dans le courant, elle vint d'elle-même aborder, contre l'autre toit, si rudement même que nous eûmes peur un instant de la voir voler en éclats. Gaspard avait hardiment sauté sur ce radeau que le hasard nous envoyait. Il le parcourait en tous sens pour s'assurer de sa solidité, pendant que Pierre et Jacques le maintenaient au bord du toit. Et il riait, il disait joyeusement, « Grand-père, nous voilà sauvés, ne pleurez plus les femmes, un vrai bateau. Tenez, mes pieds sont à sec, et il nous portera bien tous, nous allons être comme chez nous là-dessus. » Pourtant, il crut devoir le consolider. Il saisit les poutres qui flottaient, les lia avec des cordes que Pierre avait emportées à tout hasard, en quittant les chambres du bas. Il tomba même dans l'eau, mais, au cri qui nous échappa, il répondit par de nouveaux rires. L'eau le connaissait, il faisait une lieue de Garonne à la nage. Remonté sur le toit, il se secoua en s'écriant « Voyons, embarquez, ne perdons pas de temps !» Les femmes s'étaient mises à genoux. Gaspard dut porter Véronique et Marie au milieu du radeau, où il les fit asseoir. Rose et tante Agathe glissèrent d'elles-mêmes sur les tuiles et allèrent se placer auprès des jeunes filles. À ce moment, je regardais du côté de l'église. Aimée était toujours là. Elle s'adossait maintenant contre une cheminée et elle tenait ses enfants en l'air, au bout de bras, ayant déjà de l'eau jusqu'à la ceinture. « Ne vous affligez pas, grand-père, me dit Gaspard. Nous allons la prendre en passant. Je vous le promets. » Pierre et Jacques étaient montés sur le radeau. J'y sautais à mon tour. Il penchait un peu de côté, mais il était réellement assez solide pour nous porter tous. Enfin, Gaspard quitta le toit le dernier, en nous disant de prendre des perches qu'il avait préparées et qui devaient nous servir de rame. Lui-même en tenait une, très longue, dont il se servait avec une grande habileté. Nous nous laissions commander par lui. Sur un ordre qu'il nous donna, nous appuyâmes tous nos perches contre les tuiles pour nous éloigner. Mais il semblait que le radeau fût collé au toit. Malgré tous nos efforts, nous ne pouvions l'en détacher. À chaque nouvel essai, le courant nous ramenait vers la maison, violemment. Et c'était là une manœuvre des plus dangereuses, car le choc menaçait chaque fois de briser les planches sur lesquelles nous nous trouvions.